Radiomatic. C'était bien sûr la formation punk française Béhurier Noir qui lançait la transmission 343 d'Audiomatic avec sa pièce Protesta apparaissant sur l'album Souvent Fauché, Toujours Marteau, paru en 89. C'est le groupe américain de Magnetic Fields qui assure la continuité à Audiomatic. From me, somehow I doubt you'll ever be back. I'll keep your things if you ever need them. The phone still rings, and now that you're free of me at last, your time is your own. Go have a blast, and I'll dream so I'll dream alone, my soul. you black and blue. I wanted to scream, don't go away, but nothing came out. All I could say is I'll dream away. Audiomatique, nous entendions Nine Inch Nails avec la pièce At the Heart of It All, qui se retrouve sur l'album Further Down the Spiral, qui comprend des versions remixées de pièces tirées de l'album de Nine Inch Nails, The Downward Spiral, paru en 1994. La pièce At the Heart of It All a été en fait construite par Aphex Twin à partir de différents échantillonnages de pièces de l'album The Downward Spiral. Précédemment à Nine Inch Nails, il s'agissait du groupe britannique Killing Joke et sa chanson The Wait, extraite du premier album homonyme de Killing Joke lancé en 1980. Et pour débuter ce segment musical, nous vous présentions le groupe américain de Magnetic Fields mené par Stephen Merritt, qui nous interprétait la pièce I'll Dream Alone de son album Distortion, sorti en 2008. Et Audiomatique se poursuit sur la musique du projet Martin Non-Static. Thank you.

Cette séquence d'audiomatique se concluait sur la musique, en fait sur la collaboration musicale entre l'artiste Kevin Key et le projet I Am Mex, incarné par Christopher Corner. Collaboration qui prend forme sur la pièce Anger's Acid tirée du nouvel album de Kevin Key, intitulé originalement Zwei Zwei, mais dont le titre a été modifié pour Resonance. C'est donc ainsi qu'il apparaîtra sur la prochaine réimpression. Avant cela, nous écoutions la pièce Diary of Dreams et sa pièce Tales of the Silent City, apparaissant sur l'album Nigredo, paru en 2004. Et on amorçait la séquence avec Martin Non-Static et sa pièce Kama, se retrouvant sur le EP intitulé Apana, est sorti en 2020. C'est au tour du groupe anglais de Chameleons de se faire entendre à Audiomatic. Yeah. Nous avons offert à Audiomatic la musique du défunt groupe britannique Bauhaus par l'entremise de la chanson de Sanity Assassin qui a été lancée en 1983 à seulement 325 exemplaires et envoyée comme cadeau d'adieu aux membres du fan club de Bauhaus qui avaient payé leurs cotisations avant la séparation du groupe qui est survenue au cours de l'année 1983. Précédemment à Bauhaus, c'était Pop Will Eat Itself et la pièce Fat Man parue sur l'album Dos de Dos a Mis Amigos, sorti en 1994. Et pour débuter, nous avions droit au groupe de Chameleons et sa chanson Free for All, extraite du mini-album Tony Fletcher Walked on Water, La La La. La la la la la la la la, paru en 1990 en mémoire de son défunt gérant et qui regroupe les dernières compositions du groupe avant sa première séparation en 1987 qui est survenue à la suite du décès soudain du gérant de la formation Tony Fletcher. C'est la formation suédoise Autodafé qui mettra les sons finaux de cette transmission d'Audiomatic grâce à la pièce titre de son album Identity Unknown. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Autodafé et Identity Unknown. C'était Audiomatic avec les Sonoristes. We'll be right back.